Consuelo, livre 1, chapitre 37. Lorsque Amélie fut appelée à traduire la phrase que Consuelo avait écrite sur son carnet et gravée dans sa mémoire, elle dit qu'elle ne la comprenait pas du tout, quoiqu'elle pût la traduire littéralement par ces mots. « Que celui à qui on a fait tort te salue. »« Peut-être, ajouta-t-elle, veut-il parler d'Albert, ou de lui-même, en disant qu'on leur a fait tort en les taxant de folie, eux qui se croient les seuls hommes raisonnables qu'il y ait sur la terre. Mais à quoi bon chercher le sens des discours d'un insensé? Ce Zenko occupe beaucoup plus votre imagination qu'il ne mérite. » C'est la croyance du peuple dans tous les pays, répondit Consuelo, d'attribuer aux fous une sorte de lumière supérieure à celle que perçoivent les esprits positifs et froids. J'ai le droit de conserver les préjugés de ma classe, et je ne puis jamais croire qu'un fou parle au hasard en disant des paroles qui nous paraissent inintelligibles. Voyons, dit Amélie. Si le chapelain, qui est très versé dans toutes les formules anciennes et nouvelles dont se servent nos paysans, connaîtra celle-ci. » Et, courant vers le bonhomme, elle lui demanda l'explication de la phrase de Zenko. Mais ces paroles obscures parurent frapper le chapelain d'une affreuse lumière. « Dieu vivant ! » s'écria-t-il en pâlissant. « Où donc votre seigneurie a-t-elle entendu un semblable blasphème ?» « Si c'en est un, je ne le devine pas, » répondit Amélie en riant, « et c'est pour cela que j'en attends de vous la traduction. » « Mot à mot, c'est bien en bon allemand ce que vous venez de dire, madame. C'est bien que celui à qui on a fait tort te salue. Mais si vous voulez en savoir le sens, et j'ose à peine le prononcer, c'est dans la pensée de l'idolâtre qui le prononce, que le diable soit avec toi. » « En d'autres termes, » reprit Amélie en riant plus fort, « va au diable. Eh bien, c'est un joli compliment. Et voilà ce qu'on gagne, ma chère Nina, à causer avec les fous. Vous ne pensiez pas que Zenko, avec un sourire si affable et des grimaces si enjouées, vous adressait un souhait aussi peu galant ?»« Zenko ? » s'écria le chapelain. « Ah, c'est ce malheureux idiot qui se sert de formules pareilles ? À la bonne heure, je tremblais que ce ne fût quelque autre, et j'avais tort. Cela ne pouvait sortir que de cette tête farcie des abominations de l'antique hérésie. Où prend-il ces choses à peu près inconnues et oubliées aujourd'hui? L'esprit du mal peut seul les lui suggérer. » Mais c'est tout simplement un fort vilain jurement dont le peuple se sert dans toutes les langues, repartit Amélie. Et les catholiques ne s'en font pas plus faute que les autres. « Ne croyez pas cela, baronne, » dit le chapelain. « Ce n'est pas une malédiction dans l'esprit égaré de celui qui s'en sert. C'est un hommage et une bénédiction, au contraire. Et là est le crime. Cette abomination vient des Lollards, secte détestable qui engendra celle des Vaudois, laquelle engendra celle des Hussites. Laquelle en engendra bien d'autres, » dit Amélie en prenant un air grave pour se moquer du bon prêtre. « Mais voyons, monsieur le chapelain, expliquez-nous donc comment ce peut être un compliment que de recommander son prochain au diable. » « C'est que, dans la croyance des Lollards, Satan n'était pas l'ennemi du genre humain, mais au contraire son protecteur et son patron. Il le disait victime de l'injustice et de la jalousie. Selon eux, l'archange Michel et les autres puissances célestes qu'il avait précipitées dans l'abîme étaient de véritables démons, tandis que Lucifer, Belzébuth, Astaroth, Astarté et tous les monstres de l'enfer étaient l'innocence et la lumière même. Ils croyaient que le règne de Michel et de sa glorieuse milice finirait bientôt et que le diable serait réhabilité et réintégré dans le ciel avec sa phalange maudite. Enfin, ils lui rendaient un culte impie et s'abordaient les uns les autres en se disant que celui à qui on a fait tort, c'est-à-dire celui qu'on a méconnu et condamné injustement, te salue, c'est-à-dire te protège et t'assiste. « Eh bien !» dit Amélie en riant aux éclats. Voilà, ma chère Nina, sous des auspices bien favorables, et je ne serais pas étonnée qu'il fallût bientôt en venir avec elle à des exorcismes pour détruire les fées des incantations de Zenko. » Consuelo fut un peu émue de cette plaisanterie. Elle n'était pas bien sûre que le diable fût une chimère et l'enfer une fable poétique. Elle eût été portée à prendre au sérieux l'indignation et la frayeur du chapelain si celui-ci, scandalisé des rires d'Amélie, n'eût été en ce moment parfaitement ridicule. Interdite, troublée dans toutes les croyances de son enfance par cette lutte où elle se voyait lancée, entre la superstition des uns et l'incrédulité des autres, Consuelo eut ce soir-là beaucoup de peine à dire ses prières. Elle cherchait le sens de toutes ces formules de dévotion qu'elle avait acceptées jusque-là sans examen, et qui ne satisfaisaient plus son esprit alarmé. « À ce que j'ai pu voir, pensait-elle, il y a deux sortes de dévotion à Venise, celle des moines, des nonnes et du peuple qui va trop loin peut-être, car elle accepte avec les mystères de la religion toutes sortes de superstitions accessoires. L'orco, le diable des lagunes, les sorcières de Malamocco, les chercheuses d'or, l'horoscope, et les vœux aux saints pour la réussite des desseins les moins pieux et parfois les moins honnêtes. Celle du haut clergé et du beau monde, et qui n'est qu'un simulacre, car ces gens-là vont à l'église comme au théâtre, pour entendre la musique et se montrer. Ils rient de tout et n'examinent rien dans la religion, pensant que rien n'y est sérieux, que rien n'y oblige la conscience et que tout est affaire de forme et d'usage. Anzoletto n'était pas religieux le moins du monde. C'était un de mes chagrins, et j'avais raison d'être effrayée de son incrédulité. Mon maître Porpora, que croyait-il? Je l'ignore. Il ne s'expliquait point là-dessus, et cependant il m'a parlé de Dieu et des choses divines dans le moment le plus douloureux et le plus solennel de ma vie. Mais quoique ces paroles m'aient beaucoup frappée, elles n'ont laissé en moi que de la terreur et de l'incertitude. Il semblait qu'il crût à un Dieu jaloux et absolu, qui n'envoyait le génie et l'inspiration qu'aux êtres isolés par leur orgueil des peines et des joies de leurs semblables. Mon cœur désavoue cette religion sauvage et ne peut aimer un Dieu qui me défend d'aimer. Quel est donc le vrai Dieu? Qui me l'enseignera? Ma pauvre mère était croyante, mais de combien d'idolâtries puériles son culte était mêlé? Que croire et que penser? Dirais-je, comme l'insouciante Amélie, que la raison est le seul Dieu? Mais elle ne connaît même pas ce Dieu-là et ne peut me l'enseigner, car il n'est pas de personne moins raisonnable qu'elle. Peut-on vivre sans religion? Alors pourquoi vivre? En vue de quoi travaillerais-je? En vue de quoi aurais-je de la pitié, du courage, de la générosité, de la conscience et de la droiture? Moi qui suis seule dans l'univers, s'il n'est point dans l'univers un être suprême, intelligent et plein d'amour, qui me juge, qui m'approuve, qui m'aide, me préserve et me bénisse. Quelle force, quels enivrements puissent-ils dans la vie, ceux qui peuvent se passer d'un espoir et d'un amour au-dessus de toutes les illusions et de toutes les vicissitudes humaines? Maître suprême, s'écria-t-elle dans son cœur, oubliant les formules de sa prière accoutumée. Enseigne-moi ce que je dois faire, amour suprême, enseigne-moi ce que je dois aimer. Science suprême, enseigne-moi ce que je dois croire. En priant et en méditant de la sorte, elle oublia l'heure qui s'écoulait, et il était plus de minuit lorsque, avant de se mettre au lit, elle jeta un coup d'œil sur la campagne éclairée par la lune. La vue qu'on découvrait de sa fenêtre était peu étendue à cause des montagnes environnantes, mais extrêmement pittoresque. Un torrent coulait au fond d'une vallée étroite et sinueuse, doucement ondulée en prairie sur la base des collines inégales qui fermaient l'horizon, s'entr'ouvrant çà et là pour laisser apercevoir derrière elle d'autres gorges et d'autres montagnes plus escarpées et toutes couvertes de noirs sapins. La clarté de la lune à son déclin se glissait derrière les principaux plans de ce paysage triste et vigoureux, où tout était sombre, la verdure vivace, l'eau encaissée, les roches couvertes de mousse et de lierre. tandis que Consuelo comparait ce pays à tous ceux qu'elle avait parcourus dans son enfance, elle fut frappée d'une idée qui ne lui était pas encore venue. C'est que cette nature qu'elle avait sous les yeux n'avait pas un aspect nouveau pour elle. Soit qu'elle eût traversé autrefois cette partie de la Bohême, soit qu'elle eût vu ailleurs des lieux très analogues. « Nous avons tant voyagé, ma mère et moi, se disait-elle, qu'il n'y aurait rien d'étonnant à ce que je fusse déjà venue de ce côté-ci. J'ai un souvenir distinct de Dresde et de Vienne. Nous avons bien pu traverser la Bohême pour aller d'une de ses capitales à l'autre. Il serait étrange cependant que nous eussions reçu l'hospitalité dans quelque grange du château où me voici logée comme une demoiselle d'importance, ou bien que nous eussions gagné, en chantant, un morceau de pain à la porte de quelqu'une de ces cabanes où Zenko tend la main et chante ses vieilles chansons. Zenko, l'artiste vagabond, qui est mon égal et mon confrère, bien qu'il n'y paraisse plus. » En ce moment, ses regards se portèrent sur le Schreckenstein, dont on apercevait le sommet au-dessus d'une éminence plus rapprochée. Et il lui sembla que cette place sinistre était couronnée d'une lueur rougeâtre qui teignait faiblement l'azur transparent du ciel. Elle y porta toute son attention et vit cette clarté indécise augmenter, s'éteindre et reparaître, jusqu'à ce qu'enfin elle devint si nette et si intense qu'elle ne put l'attribuer à une illusion de ses sens. Que ce fût la retraite passagère d'une bande de Zingari ou le repère de quelques brigands, il n'en était pas moins certain que le Schreckenstein était occupé en ce moment par des êtres vivants. Et Consuelo, après sa prière naïve et fervente au Dieu de vérité, n'était plus disposé du tout à croire à l'existence des êtres fantastiques et malfaisants dont la chronique populaire peuplait la montagne. Mais n'était-ce pas plutôt Zenko qui allumait ce feu pour se soustraire au froid de la nuit? Et si c'était Zenko, n'était-ce pas pour réchauffer Albert que les branches desséchées de la forêt brûlaient en ce moment? On avait vu souvent cette lueur sur le Schreckenstein. On en parlait avec effroi, on l'attribuait à quelque fait surnaturel. On avait dit mille fois qu'elle émanait du tronc enchanté du vieux chêne de Ziska. Mais le Hussite n'existait plus, du moins il gisait au fond du ravin, et la clarté rouge brillait encore à la cime du mont. Comment ce phare mystérieux n'appelait-il pas les recherches vers cette retraite présumée d'Albert? Oh, apathie des âmes dévotes, pensa Consuelo. Tu es un bienfait de la Providence ou une infirmité des natures incomplètes? Elle se demanda en même temps si elle aurait le courage d'aller seule, à cette heure, au Schreckenstein. Et elle se répondit que, guidée par la charité, elle l'aurait certainement. Mais elle pouvait se flatter un peu gratuitement à cet égard, car la clôture sévère du château ne lui laissait aucune chance d'exécuter ce dessein. Dès le matin, elle s'éveilla pleine de zèle et courut au Schreckenstein. Tout y était silencieux et désert. L'herbe ne paraissait pas foulée autour de la pierre d'épouvante. Il n'y avait aucune trace de feu, aucun vestige de la présence des hôtes de la nuit. Elle parcourut la montagne dans tous les sens et n'y trouva aucun indice. Elle appela Zenko de tous côtés. Elle essaya de siffler pour voir si elle éveillerait les aboiements de Cinabre. Elle se nomma à plusieurs reprises. Elle prononça le nom de Consolation dans toutes les langues qu'elle savait. Elle chanta quelques phrases de son cantique espagnol et même de l'air bohémien de Zenko qu'elle avait parfaitement retenu. Rien ne lui répondit. Le craquement des lichens desséchés sous ses pieds et le murmure des eaux mystérieuses qui couraient sur les rochers furent les seuls bruits qui lui répondirent. Fatiguée de cette inutile exploration, elle allait se retirer après avoir pris un instant de repos sur la pierre, lorsqu'elle vit à ses pieds une feuille de rose froissée et flétrie. Elle la ramassa, la déplia, et s'assura bien que ce ne pouvait être qu'une feuille du bouquet qu'elle avait jeté à Zenko, car la montagne ne produisait pas de roses sauvages, et d'ailleurs ce n'était pas la saison. Il n'y en avait encore que dans la serre du château. Ce faible indice la consola de l'apparente inutilité de sa promenade, et la laissa de plus en plus persuadée que c'était au Schreckenstein qu'il fallait espérer de découvrir Albert. Mais dans quel antre de cette montagne impénétrable était-il donc caché? Il n'y était donc pas à toute heure, ou bien il était plongé en ce moment dans un accès d'insensibilité cataleptique. Ou bien encore Consuelo s'était trompé en attribuant à sa voix quelque pouvoir sur lui, et l'exaltation qu'il lui avait montrée n'était qu'un accès de folie qui n'avait laissé aucune trace dans sa mémoire. Il la voyait, il l'entendait peut-être maintenant, et il se riait de ses efforts, et il méprisait ses inutiles avances. À cette dernière pensée, Consuelo sentit une rougeur brûlante monter à ses joues, et elle quitta précipitamment le Schreckenstein en se promettant presque de n'y plus revenir. Cependant, elle y laissa un petit panier de fruits qu'elle avait apporté. Mais le lendemain, elle trouva le panier à la même place. On n'y avait pas touché. Les feuilles qui recouvraient les fruits n'avaient pas même été dérangées par un mouvement de curiosité. Son offrande avait été dédaignée. Ou bien, ni Albert ni Zenko n'étaient venus par là. Et pourtant, la lueur rouge d'un feu de sapin avait brillé encore durant cette nuit sur le sommet de la montagne. Consuelo avait veillé jusqu'au jour pour observer cette particularité. Elle avait vu plusieurs fois la clarté décroître et se ranimer, comme si une main vigilante l'eût entretenue. Personne n'avait vu de Zingari dans les environs. Aucun étranger n'avait été signalé sur les sentiers de la forêt. Et tous les paysans que Consuelo interrogeait sur le phénomène lumineux de la pierre d'épouvante lui répondaient en mauvais allemand qu'il ne faisait pas bon d'approfondir ces choses-là et qu'il ne fallait pas se mêler des affaires de l'autre monde. Cependant, il y avait déjà 9 jours qu'Albert avait disparu. C'était la plus longue absence de ce genre qu'il eût encore faite. Et cette prolongation, jointe au sinistre présage qui avait annoncé l'avènement de sa 30e année, n'était pas propre à ranimer les espérances de la famille. On commençait enfin à s'agiter. Le comte Christian soupirait à toute heure d'une façon lamentable. Le baron allait à la chasse sans songer à rien tuer. Le chapelain faisait des prières extraordinaires. Amélie n'osait plus rire ni causer. Et la chanoinesse, pâle et affaiblie, distraite des soins domestiques et oublieuse de son ouvrage en tapisserie, égrenait son chapelet du matin au soir, entretenait de petites bougies devant l'image de la Vierge et semblait plus voûtée d'un pied qu'à son ordinaire. Consuelo se hasarda à proposer une grande et scrupuleuse exploration du Schreckenstein, avoua les recherches qu'elle y avait faites et confia en particulier à la chanoinesse la circonstance de la feuille de rose et le soin qu'elle avait mis à examiner toute la nuit le sommet lumineux de la montagne. Mais les dispositions que voulait prendre Wenceslao pour cette exploration firent bientôt repentir Consuelo de son épanchement. La chanoinesse voulait qu'on s'assurât de la personne de Zenko, qu'on l'effrayât par des menaces, qu'on fît armer 50 hommes de torches et de fusils, enfin que le chapelain prononçât sur la pierre fatale ses plus terribles exorcismes, tandis que le baron, suivi de Hans et de ses plus courageux acolytes, ferait en règle, au milieu de la nuit, le siège du Schreckenstein. C'était le vrai moyen de porter Albert à la folie la plus extrême, et peut-être à la fureur, que de lui procurer une surprise de ce genre. Et Consuelo obtint, à force de représentations et de prières, que Wenceslao n'agirait point et n'entreprendrait rien sans son avis. Or, voici quelle partie elle lui proposa en définitive. Ce fut de sortir du château la nuit suivante et d'aller seul avec la chanoinesse, en se faisant suivre à distance de Hans et du chapelain seulement, examiner de près le feu du Schreckenstein. Mais cette résolution se trouva au-dessus des forces de la chanoinesse. Elle était persuadée que le sabbat officiait sur la pierre d'épouvante, et tout ce que Consuelo put obtenir fut qu'on lui ouvrirait les portes à minuit et que le baron et quelques autres personnes de bonne volonté la suivraient sans armes et dans le plus grand silence. Il fut convenu qu'on cacherait cette tentative au comte Christian, dont le grand âge et la santé affaiblie ne pourraient se prêter à une pareille course durant la nuit froide et malsaine, et qui cependant voudrait s'y associer s'il en avait connaissance. Tout fut exécuté ainsi que Consuelo l'avait désiré. Le baron, le chapelain et Hans l'accompagnèrent. Elle s'avança seule, à 100 pas de son escorte, et monta sur le Schreckenstein avec un courage digne de Bradamante. Mais à mesure qu'elle approchait, la lueur, qui lui paraissait sortir en rayonnant des fissures de la roche culminante, s'éteignit peu à peu, et lorsqu'elle y fut arrivée, une profonde obscurité enveloppait la montagne, du sommet à la base. Un profond silence et l'horreur de la solitude régnaient partout. Elle appela Zenko, Cinabre et même Albert, quoique en tremblant. Tout fut muet, et l'écho seul lui renvoya le son de sa voix mal assurée. Elle revint découragée vers ses guides. Ils vantèrent beaucoup son courage et osèrent, après elle, explorer encore les lieux qu'elle venait de quitter, mais sans succès. Et tous rentrèrent en silence au château, où la chanoinesse qui les attendait sur le seuil vit, à leur récit, s'évanouir sa dernière espérance. Chapitre 38. Consuelo, après avoir reçu les remerciements et le baiser que la bonne Wenceslawa, toute triste, lui donna au front, reprit le chemin de sa chambre avec précaution pour ne point éveiller Amélie, à qui on avait caché l'entreprise. Elle demeurait au premier étage, tandis que la chambre de la chanoinesse était au rez-de-chaussée. Mais en montant l'escalier, elle laissa tomber son flambeau, qui s'éteignit avant qu'elle eût pu le ramasser. Elle pensa pouvoir s'en passer pour retrouver son chemin, d'autant plus que le jour commençait à poindre. Mais, soit que son esprit fût préoccupé étrangement, soit que son courage, après un effort au-dessus de son sexe, vint à l'abandonner tout à coup, elle se troubla au point que, parvenue à l'étage qu'elle habitait, elle ne s'y arrêta pas, continua de monter jusqu'à l'étage supérieur, et entra dans le corridor qui conduisait à la chambre d'Albert, située presque au-dessus de la sienne. Mais elle s'arrêta, glacée d'effroi à l'entrée de cette galerie, en voyant une ombre, grêle et noire, se dessiner devant elle, glisser comme si ses pieds n'eussent pas touché le carreau, et entrer dans cette chambre vers laquelle Consuelo se dirigeait, pensant que c'était la sienne. Elle eut, au milieu de sa frayeur, assez de présence d'esprit pour examiner cette figure et pour voir rapidement dans le vague du crépuscule qu'elle avait la forme et l'accoutrement de Zenko. Mais qu'allait-il faire dans la chambre de Consuelo à une pareille heure et de quel message était-il chargé pour elle? Elle ne se sentit point disposée à affronter ce tête-à-tête et redescendit pour chercher la chanoinesse. Ce fut après avoir descendu un étage qu'elle reconnut son corridor, la porte de sa chambre, et s'aperçut que c'était dans celle d'Albert qu'elle venait de voir entrer Zenko. Alors, 1000 conjectures se présentèrent à son esprit redevenu calme et attentif. Comment l'idiot pouvait-il pénétrer la nuit dans ce château si bien fermé, si bien examiné chaque soir par la chanoinesse et les domestiques? Cette apparition de Zenko la confirmait dans l'idée qu'elle avait toujours eue que le château avait une secrète issue et peut-être une communication souterraine avec le Schreckenstein. Elle courut frapper à la porte de la chanoinesse qui déjà s'était barricadée dans son austère cellule et qui fit un grand cri en la voyant paraître sans lumière et un peu pâle. « Tranquillisez-vous, chère madame, » lui dit la jeune fille. C'est un nouvel événement assez bizarre, mais qui n'a rien d'effrayant. Je viens de voir Zenko entrer dans la chambre du comte Albert. Zenko? Mais vous rêvez, ma chère enfant. Par où serait-il entré? J'ai fermé toutes les portes avec le même soin qu'à l'ordinaire. Et pendant tout le temps de votre course au Schreckenstein, je n'ai pas cessé de faire bonne garde. Le pont a été levé. et quand vous l'avez passé pour rentrer, je suis restée la dernière pour le faire relever. » Quoi qu'il en soit, madame, Zenko est dans la chambre du comte Albert. Il ne tient qu'à vous de venir vous en convaincre. « J'y vais sur le champ, » répondit la chanoinesse, « et l'en chasser comme il le mérite. Il faut que ce misérable y soit entré pendant le jour. Mais quel dessein l'amène ici ? Sans doute il cherche Albert, ou il vient l'attendre. Preuve, ma pauvre enfant, qu'il ne sait pas plus que nous où il est. » « Eh bien, allons toujours l'interroger, » dit Consuelo. « un instant, » dit la chanoinesse, qui, au moment de se mettre au lit, avait ôté deux de ses jupes, et qui se croyait trop légèrement vêtue, n'en ayant plus que trois. « Je ne puis pas me présenter ainsi devant un homme, ma chère. Allez chercher le chapelain, ou mon frère le baron, le premier que vous rencontrerez. Nous ne pouvons nous exposer seuls vis-à-vis de cet homme en démence. Mais j'y songe, une jeune personne comme vous ne peut aller frapper à la porte de ces messieurs. Allons, allons, je me dépêche. Dans un petit instant, je serai prête. » Et elle se remit à faire sa toilette avec d'autant plus de lenteur qu'elle voulait se dépêcher davantage, et que, dérangée dans ses habitudes régulières, comme elle ne l'avait pas été depuis longtemps, elle avait tout à fait perdu la tête. Consuelo, impatiente d'un retard pendant lequel Zenko pouvait sortir de la chambre d'Albert et se cacher dans le château sans qu'il fût possible de l'y découvrir, retrouva toute son énergie. « Chère madame, » dit-elle en allumant un flambeau, « occupez-vous d'appeler ces messieurs. Moi, je vais voir si Zenko ne nous échappe pas. » Elle monta précipitamment les deux étages et ouvrit d'une main courageuse la porte d'Albert qui céda sans résistance. Mais elle trouva la chambre déserte. Elle pénétra dans un cabinet voisin, souleva tous les rideaux, se hasarda même à regarder sous le lit et derrière tous les meubles. Zenko n'y était plus et n'y avait laissé aucune trace de son entrée. « Plus personne !» dit-elle à la chanoinesse qui venait clopin-clopant, accompagnée de Hans et du chapelain. Le baron était déjà couché et endormi. Il avait été impossible de le réveiller. « Je commence à craindre, » dit le chapelain un peu mécontent de la nouvelle alerte qu'on venait de lui donner, « que la signora Porporina ne soit la dupe de ses propres illusions. » « Non, monsieur le chapelain, » répondit vivement Consuelo. « Personne ici n'en a moins que moi. »« Et personne n'a plus de force et de dévouement, c'est la vérité, » reprit le bonhomme. « Mais dans votre ardente espérance, vous croyez, signora, voir des indices où il n'y en a malheureusement point. »« Mon père, » dit la chanoinesse, « la Porporina est brave comme un lion et sage comme un docteur. Si elle a vu Zenko, Zenko est venu ici. Il faut le chercher dans toute la maison. » Mais comme tout est bien fermé, Dieu merci, il ne peut nous échapper. » On réveilla les autres domestiques et on chercha de tous côtés. Il n'y eut pas une armoire qui ne fût ouverte, un meuble qui ne fût dérangé. On remua jusqu'au fourrage des immenses greniers. Hans eut la naïveté de chercher jusque dans les larges bottes du baron. Zenko ne s'y trouva pas plus qu'ailleurs. On commença à croire que Consuelo avait rêvé. Mais elle demeura plus persuadée que jamais qu'il fallait trouver l'issue mystérieuse du château, et elle résolut de porter à cette découverte toute la persévérance de sa volonté. À peine eut-elle pris quelques heures de repos qu'elle commença son examen. Le bâtiment qu'elle habitait, le même où se trouvait l'appartement d'Albert, était appuyé et comme adossé à la colline. Albert lui-même avait choisi et fait arranger son logement dans cette situation pittoresque qui lui permettait de jouir d'un beau point de vue vers le sud et d'avoir du côté du levant un joli petit parterre en terrasse de plein pied avec son cabinet de travail. Il avait le goût des fleurs et en cultivait d'assez rares sur ce carré de terre rapporté au sommet stérile de l'éminence. La terrasse était entourée d'un mur à hauteur d'appui en larges pierres de taille, assis sur des rocs escarpés, et de ce belvédère fleuri, on dominait le précipice de l'autre versant et une partie du vaste horizon dentelé du Böhmenwald. Consuelo, qui n'avait pas encore pénétré dans ce lieu, en admira la belle position et l'arrangement pittoresque. Puis elle se fit expliquer par le chapelain À quel usage était destinée cette terrasse avant que le château eût été transformé de forteresse en résidence seigneuriale? C'était, lui dit-il, un ancien bastion, une sorte de terrasse fortifiée, d'où la garnison pouvait observer les mouvements des troupes dans la vallée et sur les flancs des montagnes environnantes. Il n'est point de brèche offrant un passage qu'on ne puisse découvrir d'ici. Autrefois, une haute muraille, avec des jours pratiqués de tous côtés, environnait cette plateforme et défendait les occupants contre les flèches ou les balles de l'ennemi. Et qu'est-ce que ceci ? Demanda Consuelo en s'approchant d'une citerne située au centre du parterre et dans laquelle on descendait par un petit escalier rapide et tournant. C'est une citerne qui fournissait toujours et en abondance une eau de roche excellente aux assiégés, ressource inappréciable pour un château fort. Cette eau est donc bonne à boire ? Dit Consuelo en examinant l'eau verdâtre et mousseuse de la citerne. Elle me paraît bien trouble. Elle n'est plus bonne maintenant, ou du moins elle ne l'est pas toujours, et le comte Albert n'en fait usage que pour arroser ses fleurs. Il faut vous dire qu'il se passe depuis 2 ans dans cette fontaine un phénomène bien extraordinaire. La source, car c'en est une, dont le jaillissement est plus ou moins voisin dans le cœur de la montagne, est devenue intermittente. Pendant des semaines entières, le niveau s'abaisse extraordinairement, et le comte Albert fait monter, par Zenko, de l'eau du puits de la grande cour pour arroser ses plantes chéries. Et puis, tout à coup, dans l'espace d'une nuit, et quelquefois même d'une heure, cette citerne se remplit d'une eau tiède, trouble comme vous la voyez. Quelquefois, elle se vide rapidement. D'autres fois, l'eau séjourne assez longtemps et s'épure peu à peu, jusqu'à devenir froide et limpide comme du cristal de roche. Il faut qu'il se soit passé cette nuit un phénomène de ce genre, car hier encore, j'ai vu la citerne claire et bien pleine, et je la vois en ce moment trouble comme si elle eût été vidée et remplie de nouveau. Ces phénomènes n'ont donc pas un cours régulier ? Nullement, et je les aurais examinés avec soin si le comte Albert, qui défend l'entrée de ses appartements et de son parterre avec l'espèce de sauvagerie qu'il porte en toute chose, ne m'eût interdit cet amusement. J'ai pensé, et je pense encore, que le fond de la citerne est encombré de mousse et de plantes pariétaires qui bouchent par moments l'accès à l'eau souterraine et qui cèdent ensuite à l'effort du jaillissement. Mais comment expliquez-vous la disparition subite de l'eau en d'autres moments ? À la grande quantité que le comte en consomme pour arroser ses fleurs. Il faudrait bien des bras, ce me semble, pour vider cette fontaine. Elle n'est donc pas profonde ? Pas profonde ? Il est impossible d'en trouver le fond. En ce cas, votre explication n'est pas satisfaisante, dit Consuelo, frappé de la stupidité du chapelain. Cherchez-en une meilleure, reprit-il un peu confus et un peu piqué de son manque de sagacité. Certainement, j'en trouverai une meilleure, pensa Consuelo, vivement préoccupé des caprices de la fontaine. Oh, si vous demandiez au comte Albert ce que cela signifie, reprit le chapelain qui aurait bien voulu faire un peu l'esprit fort pour reprendre sa supériorité aux yeux de la clairvoyante étrangère. Il vous dirait que ce sont les larmes de sa mère qui se tarissent et se renouvellent dans le sein de la montagne. Le fameux Zenko, auquel vous supposez tant de pénétration. Vous jurerez qu'il y a là-dedans une sirène qui chante fort agréablement à ceux qui ont des oreilles pour l'entendre. À eux deux, ils ont baptisé ce puits la source des pleurs. Cela peut être fort poétique, et il ne tient qu'à ceux qui aiment les fables païennes de s'en contenter. Je ne m'en contenterai pas, pensa Consuelo, et je saurai comment ces pleurs se tarissent. Quant à moi, poursuivit le chapelain, j'ai bien pensé qu'il y avait une perte d'eau dans un autre coin de la citerne. Il me semble que sans cela, reprit Consuelo, la citerne, étant le produit d'une source, aurait toujours débordé. Sans doute, sans doute, reprit le chapelain, ne voulant pas avoir l'air de s'aviser de cela pour la première fois. Il ne faut pas venir de bien loin pour découvrir une chose aussi simple, Mais il faut bien qu'il y ait un dérangement notoire dans les canaux naturels de l'eau, puisqu'elle ne garde plus le nivellement régulier qu'elle avait naguère. Sont-ce des canaux naturels ou des aqueducs faits de main d'homme? Demanda l'opiniâtre Consuelo. Voilà ce qu'il importerait de savoir. Voilà ce dont personne ne peut s'assurer, répondit le chapelain, puisque le comte Albert ne veut point qu'on touche à sa chère fontaine, et a défendu positivement qu'on essayât de la nettoyer. J'en étais sûr, dit Consuelo en s'éloignant, et je pense qu'on fera bien de respecter sa volonté, car Dieu sait quel malheur pourrait lui arriver si on se mêlait de contrarier sa sirène. Il devient à peu près certain pour moi, se dit le chapelain en quittant Consuelo, que cette jeune personne n'a pas l'esprit moins dérangé que monsieur le comte. La folie serait-elle contagieuse? Ou bien maître Porpora nous l'aurait-il envoyé pour que l'air de la campagne lui rafraîchît le cerveau? À voir l'obstination avec laquelle elle se faisait expliquer le mystère de cette citerne, j'aurais gagé qu'elle était fille de quelque ingénieur des canaux de Venise et qu'elle voulait se donner des airs entendus dans la partie. Mais je vois bien à ses dernières paroles, ainsi qu'à l'hallucination qu'elle a eue à propos de Zenko ce matin et à la promenade qu'elle nous a fait faire cette nuit au Schreckenstein, que c'est une fantaisie du même genre. Ne s'imagine-t-elle pas retrouver le comte Albert au fond de ce puits? Malheureux jeunes gens, que n'y pouvez-vous retrouver la raison et la vérité? Là-dessus, le bon chapelain alla dire son bréviaire en attendant le dîner. « Il faut, pensait Consuelo de son côté, que l'oisiveté et l'apathie engendrent une singulière faiblesse d'esprit pour que ce saint homme, qui a lu et appris tant de choses, n'ait pas le moindre soupçon de ce qui me préoccupe à propos de cette fontaine. Oh, mon Dieu, je vous en demande pardon, mais voilà un de vos ministres qui fait bien peu d'usage de son raisonnement. Et ils disent que Zenko est imbécile. » Là-dessus, Consuelo alla donner à la jeune baronne une leçon de solfège en attendant qu'elle pût recommencer ses perquisitions. Chapitre 39. Avez-vous jamais assisté au décroissement de l'eau? Et l'avez-vous quelquefois observée quand elle remonte? Demanda-t-elle tout bas dans la soirée au chapelain, qui était fort en train de digérer. Quoi? Qu'y a-t-il? S'écria-t-il en bondissant sur sa chaise et en roulant de gros yeux ronds. Je vous parle de la citerne, reprit-elle sans se déconcerter. Avez-vous observé par vous-même la production du phénomène? Ah bien oui, la citerne, j'y suis, répondit-il avec un sourire de pitié. Voilà, pensa-t-il, sa folie qui la reprend. Mais répondez-moi donc, mon bon chapelain, dit Consuelo, qui poursuivait sa méditation avec l'espèce d'acharnement qu'elle portait dans toutes ses occupations mentales et qui n'avait aucune intention malicieuse envers le digne homme. Je vous avouerai, mademoiselle, répondit-il d'un ton très froid, que je ne me suis jamais trouvé à même d'observer ce que vous me demandez, et je vous déclare que je ne me suis jamais tourmenté au point d'en perdre le sommeil. Oh, j'en suis bien certaine, reprit Consuelo impatienté. Le chapelain haussa les épaules et se leva péniblement de son siège pour échapper à cette ardeur d'investigation. Eh bien, puisque personne ici ne veut perdre une heure de sommeil pour une découverte aussi importante, j'y consacrerai ma nuit entière s'il le faut, pensa Consuelo. Et en attendant l'heure de la retraite, elle alla, enveloppée de son manteau, faire un tour de jardin. La nuit était froide et brillante, les brouillards s'étaient dissipés à mesure que la lune, alors pleine, avait monté dans l'empyrée. Les étoiles pâlissaient à son approche. L'air était sec et sonore. Consuelo, irrité et non brisé par la fatigue, l'insomnie et la perplexité généreuse, mais peut-être un peu maladive de son esprit, sentait quelques mouvements de fièvre que la fraîcheur du soir ne pouvait calmer. Il lui semblait toucher au terme de son entreprise. Un pressentiment romanesque, qu'elle prenait pour un ordre et un encouragement de la Providence, la tenait active et agitée. Elle s'assit sur un tertre de gazon planté de mélèzes et se mit à écouter le bruit faible et plaintif du torrent au fond de la vallée. Mais il lui sembla qu'une voix plus douce et plus plaintive encore se mêlait au murmure de l'eau et montait peu à peu jusqu'à elle. Elle s'étendit sur le gazon pour mieux saisir, étant plus près de la terre, ces sons légers que la brise emportait à chaque instant. Enfin, elle distingua la voix de Zanko. Il chantait en allemand. Et elle recueillit les paroles suivantes, arrangées tant bien que mal sur un air bohémien, empreint du même caractère naïf et mélancolique que celui qu'elle avait déjà entendu. « Il y a là-bas, là-bas, une âme en peine et en travail qui attend sa délivrance, sa consolation tant promise. La délivrance semble enchaînée, la consolation semble impitoyable. Il y a là-bas, là-bas, une âme en peine et en travail qui se lasse d'attendre. » Quand la voix cessa de chanter, Consuelo se leva, chercha des yeux Zenko dans la campagne, parcourut tout le parc et tout le jardin pour le trouver, l'appela de divers endroits et rentra sans l'avoir aperçu. Mais une heure après qu'on eût dit tout haut en commun une longue prière pour le comte Albert, auquel on invita tous les serviteurs de la maison à se joindre, tout le monde étant couché, Consuelo alla s'installer auprès de la fontaine des pleurs, et, s'asseyant sur la margelle, parmi les capillaires touffues qui y croissaient naturellement, et les iris qu'Albert y avait plantés, elle fixa ses regards sur cette eau immobile, où la lune, alors parvenue à son zénith, plongeait son image comme dans un miroir. Au bout d'une heure d'attente, et comme la courageuse enfant, vaincue par la fatigue, sentait ses paupières s'apesantir, elle fut réveillée par un léger bruit à la surface de l'eau. Elle ouvrit les yeux et vit le spectre de la lune s'agiter, se briser et s'étendre en cercle lumineux sur le miroir de la fontaine. En même temps, un bouillonnement et un bruit sourd, d'abord presque insensible et bientôt impétueux, se manifestèrent. Elle vit l'eau baisser en tourbillonnant comme dans un entonnoir et, en moins d'un quart d'heure, disparaître dans la profondeur de l'abîme. Elle se hasarda à descendre plusieurs marches. L'escalier, qui semblait avoir été pratiqué pour qu'on pût approcher à volonté du niveau variable de l'eau, était formé de blocs de granit enfoncés ou taillés en spirale dans le roc. Ces marches, limoneuses et glissantes, n'offraient aucun point d'appui et se perdaient dans une effrayante profondeur. L'obscurité, un reste d'eau qui clapotait encore au fond du précipice incommensurable, l'impossibilité d'assurer ses pieds délicats sur cette vase filandreuse, arrêtèrent la tentative insensée de Consuelo. Elle remonta à reculons avec beaucoup de peine et se rassit tremblante et consternée sur la première marche. Cependant, l'eau semblait toujours fuir dans les entrailles de la terre. Le bruit devint de plus en plus sourd, jusqu'à ce qu'il cessa entièrement. Et Consuelo songea à aller chercher de la lumière pour examiner autant que possible, d'en haut, l'intérieur de la citerne. Mais elle craignit de manquer l'arrivée de celui qu'elle attendait, et se tint patiemment immobile pendant près d'une heure encore. Enfin, elle crut apercevoir une faible lueur au fond du puits. Et, se penchant avec anxiété, elle vit cette tremblante clarté monter peu à peu. Bientôt, elle n'en douta plus. Zenko montait la spirale en s'aidant d'une chaîne de fer scellée aux parois du rocher. Le bruit que sa main produisait en soulevant cette chaîne et en la laissant retomber de distance en distance avertissait Consuelo de l'existence de cette sorte de rampe qui cessait à une certaine hauteur et qu'elle n'avait pu ni voir ni soupçonner. Zenko portait une lanterne qu'il suspendit à un croc destiné à cet usage et planté dans le roc à environ 20 pieds au-dessous du sol. Puis il monta légèrement et rapidement le reste de l'escalier, privé de chaînes et de points d'appui apparents. Cependant, Consuelo, qui observait tout avec la plus grande attention, le vice aidé de quelques pointes de rochers, de certaines plantes pariétaires plus vigoureuses que les autres, et peut-être de quelques clous recourbés qui sortaient du mur et dont sa main avait l'habitude. Dès qu'il fut à portée de voir Consuelo, celle-ci se cacha et se déroba à ses regards en rampant derrière la balustrade de pierre à demi-circulaire qui couronnait le haut du puits et qui s'interrompait seulement à l'entrée de l'escalier. Zenko sortit et se mit à cueillir lentement dans le parterre, avec beaucoup de soin et comme en choisissant certaines fleurs, un gros bouquet. Puis il entra dans le cabinet d'Albert et, à travers le vitrage de la porte, Consuelo le vit remuer longtemps les livres et en chercher un qu'il parut enfin avoir trouvé. Car il revint vers la citerne en riant et en se parlant à lui-même d'un ton de contentement, mais d'une voix faible et presque insaisissable, tant il semblait partagé entre le besoin de causer tout seul, selon son habitude, et la crainte d'éveiller les hôtes du château. Consuelo ne s'était pas encore demandé si elle l'aborderait, si elle le prierait de la conduire auprès d'Albert. Et il faut avouer qu'en cet instant, confondue de ce qu'elle voyait, éperdue au milieu de son entreprise, joyeuse d'avoir deviné la vérité tant pressentie, mais émue de l'idée de descendre au fond des entrailles de la terre et des abîmes de l'eau, elle ne se sentit pas le courage d'aller d'emblée au résultat. Et laissa Zenko redescendre comme il était monté, reprendre sa lanterne et disparaître, en chantant d'une voix qui prenait de l'assurance à mesure qu'il s'enfonçait dans les profondeurs de sa retraite. La délivrance est enchaînée, la consolation est impitoyable. Le cœur palpitant, le cou tendu, Consuelo eut 10 fois son nom sur les lèvres pour le rappeler. Elle allait s'y décider par un effort héroïque, lorsqu'elle pensa tout à coup que la surprise pouvait faire chanceler cet infortuné sur cet escalier difficile et périlleux et lui donner le vertige de la mort. Elle s'en abstint, se promettant d'être plus courageuse le lendemain en temps opportun. Elle attendit encore pour voir remonter l'eau. Et cette fois, le phénomène s'opéra plus rapidement. Il y avait à peine un quart d'heure qu'elle n'entendait plus Zenko et qu'elle ne voyait plus de lueur de lanterne, lorsqu'un bruit sourd, semblable au grondement lointain du tonnerre, se fit entendre. Et l'eau, s'élançant avec violence, monta en tournoyant et en battant les murs de sa prison avec un bouillonnement impétueux. Cette irruption soudaine de l'eau eut quelque chose de si effrayant que Consuelo trembla pour le pauvre Zenko, en se demandant si, à jouer avec de tels périls et à gouverner ainsi les forces de la nature, il ne risquait pas d'être emporté par la violence du courant et de reparaître à la surface de la fontaine, noyé et brisé comme ces plantes limoneuses qu'elle y voyait surnager. Cependant, le moyen devait être bien simple. Il ne s'agissait que de baisser et de relever une écluse, peut-être de poser une pierre en arrivant et de la déranger en s'en retournant. Mais cet homme, toujours préoccupé et perdu dans ses rêveries bizarres, ne pouvait-il pas se tromper et déranger la pierre un instant trop tôt? Venait-il par le même souterrain qui servait de passage à l'eau de la source? Il faudra pourtant que j'y passe, avec ou sans lui, se dit Consuelo, et cela pas plus tard que la nuit prochaine. Car il y a là-bas une âme en travail et en peine qui m'attend et qui se lasse d'attendre. Ceci n'a point été chanté au hasard, et ce n'est pas sans but que Zenko, qui déteste l'allemand et qui le prononce avec difficulté, s'est expliqué aujourd'hui dans cette langue. Elle alla enfin se coucher, mais elle eut tout le reste de la nuit d'affreux cauchemars. La fièvre faisait des progrès. Elle ne s'en apercevait pas tant elle se sentait encore pleine de force et de résolution. Mais à chaque instant, elle se réveillait en sursaut, s'imaginant être encore sur les marches du terrible escalier et ne pouvant le remonter, tandis que l'eau s'élevait au-dessous d'elle avec le rugissement et la rapidité de la foudre. Elle était si changée le lendemain que tout le monde remarqua l'altération de ses traits. Le chapelain n'avait pu s'empêcher de confier à la chanoinesse que cette agréable et obligeante personne lui paraissait avoir le cerveau dérangé. et la bonne Wenceslawa, qui n'était pas habituée à voir tant de courage et de dévouement autour d'elle, commençait à croire que la Porporina était tout au moins une jeune fille fort exaltée et d'un tempérament nerveux très excitable. Elle comptait trop sur ses bonnes portes doublées de fer et sur ses fidèles clés, toujours grinçantes à sa ceinture, pour avoir cru longtemps à l'entrée et à l'évasion de Zenko l'avant-dernière nuit. Elle adressa donc à Consuelo des paroles affectueuses et compatissantes, la conjurant de ne pas s'identifier au malheur de la famille jusqu'à en perdre la santé, et s'efforçant de lui donner, sur le retour prochain de son neveu, des espérances qu'elle commençait elle-même à perdre dans le secret de son cœur. Mais elle fut émue à la fois de crainte et d'espoir lorsque Consuelo lui répondit, avec un regard brillant de satisfaction et un sourire de douce fierté, « Vous avez bien raison de croire et d'attendre avec confiance, chère madame. Le comte Albert est vivant et peu malade, je l'espère, car il s'intéresse encore à ses livres et à ses fleurs du fond de sa retraite. J'en ai la certitude et j'en pourrai donner la preuve. » « Que voulez-vous dire, cher enfant ? » s'écria la chanoinesse, dominée par son air de conviction. « Qu'avez-vous appris ? Qu'avez-vous découvert ? Parlez au nom du ciel ! Rendez la vie à une famille désolée !»« Dites au comte Christian que son fils existe et qu'il n'est pas loin d'ici. Cela est aussi vrai que je vous aime et vous respecte. » La chanoinesse se leva pour courir vers son frère, qui n'était pas encore descendu au salon. Mais un regard et un soupir du chapelain l'arrêtèrent. Ne donnons pas à la légère une telle joie, mon pauvre Christian, dit-elle en soupirant à son tour. Si le fait venait bientôt démentir vos douces promesses, ah, ma chère enfant, nous aurions porté le coup de la mort à ce malheureux père. Vous doutez donc de ma parole? Répliqua Consuelo étonné. Dieu m'en garde, noble Nina. « Mais vous pouvez vous faire illusion. Hélas, cela nous est arrivé si souvent à nous-mêmes. Vous dites que vous avez des preuves, ma chère fille. Ne pourriez-vous nous les mentionner ?»« Je ne le peux pas. Du moins, il me semble que je ne le dois pas, » dit Consuelo un peu embarrassé. « J'ai découvert un secret auquel le comte Albert attache certainement beaucoup d'importance, et je ne crois pas pouvoir le trahir sans son aveu. »« Sans son aveu ?» s'écria la chanoinesse en regardant le chapelain avec irrésolution. « L'aurait-elle vu ?» Le chapelain haussa imperceptiblement les épaules, sans comprendre la douleur que son incrédulité causait à la pauvre chanoinesse. « Je ne l'ai pas vu, » reprit Consuelo, « mais je le verrai bientôt, et vous aussi, j'espère. Voilà pourquoi je craindrais de retarder son retour en contrariant ses volontés par mon indiscrétion. » Puisse la vérité divine habiter dans ton cœur, généreuse créature, et parler par ta bouche, dit Wenceslawa en la regardant avec des yeux inquiets et attendris. Garde ton secret si tu en as un, et rends-nous Albert si tu en as la puissance. Tout ce que je sais, c'est que si cela se réalise, j'embrasserai tes genoux comme j'embrasse en ce moment ton pauvre front. Humide et brûlant, ajouta-t-elle, après avoir touché de ses lèvres le beau front embrasé de la jeune fille, et en se retournant vers le chapelain d'un air ému. « Si elle est folle, » dit-elle à ce dernier lorsqu'elle put lui parler sans témoin, « c'est toujours un ange de bonté, et il semble qu'elle soit occupée de nos souffrances plus que nous-mêmes. Ah, mon père, il y a une malédiction sur cette maison. Tout ce qui porte un cœur sublime y est frappé de vertige, et notre vie se passe à plaindre ce que nous sommes forcés d'admirer. » Je ne nie pas les bons mouvements de cette jeune étrangère, répondit le chapelain, mais il y a du délire dans son fait, n'en doutez pas, madame. Elle aura rêvé du comte Albert cette nuit, et elle nous donne imprudemment ses visions pour des certitudes. Gardez-vous d'agiter l'âme pieuse et soumise de votre vénérable frère par des assertions si frivoles. Peut-être aussi ne faudrait-il pas trop encourager les témérités de cette signora Porporina. Elles peuvent la précipiter dans des dangers d'une autre nature que ceux qu'elle a voulu braver jusqu'ici. « Je ne vous comprends pas, » dit avec une grave naïveté la chanoinesse Wenceslavois. « Je suis fort embarrassé de m'expliquer, » reprit le digne homme. « Pourtant, il me semble que si un commerce secret, bien honnête et bien désintéressé sans doute, venait à s'établir entre cette jeune artiste et le noble comte... « Eh bien ?» dit la chanoinesse en ouvrant de grands yeux. « Eh bien, madame, ne pensez-vous pas que des sentiments d'intérêt et de sollicitude, fort innocents dans leurs principes, pourraient, en peu de temps, à l'aide de circonstances et d'idées romanesques, devenir dangereux pour le repos et la dignité de la jeune musicienne ?»« Je ne me serais jamais avisée de cela !» s'écria la chanoinesse, frappée de cette réflexion. Croiriez-vous donc, mon père, que la Porporina pourrait oublier sa position humble et précaire dans des relations quelconques avec un homme si élevé au-dessus d'elle que l'est mon neveu Albert de Rudolfstadt? Le comte Albert de Rudolfstadt pourrait l'y aider lui-même, sans le vouloir, par l'affectation qu'il met à traiter de préjugés les respectables avantages du rang et de la naissance. « Vous éveillez en moi de graves inquiétudes, » dit Wenceslavois, rendu à son orgueil de famille et à la vanité de la naissance, son unique travers. Le mal aurait-il déjà germé dans le cœur de cet enfant? Y aurait-il dans son agitation et dans son empressement à retrouver Albert un motif moins pur que sa générosité naturelle et son attachement pour nous? « Je me flatte encore que non, » répondit le chapelain, dont l'unique passion était de jouer, par ses avis et par ses conseils, un rôle important dans la famille, tout en conservant les dehors d'un respect craintif et d'une soumission obséquieuse. Il faudra pourtant, ma chère fille, que vous ayez les yeux ouverts sur la suite des événements, et que votre vigilance ne s'endorme pas sur de pareils dangers. Ce rôle délicat ne convient qu'à vous, et demande toute la prudence et la pénétration dont le ciel vous a doué. Après cet entretien, la chanoinesse demeura toute bouleversée, et son inquiétude changea d'objet. Elle oublia presque qu'Albert était comme perdu pour elle, peut-être mourant, peut-être mort, pour ne songer qu'à prévenir enfin les effets d'une affection qu'en elle-même elle appelait « disproportionnée », semblable à l'Indien de la fable, qui montait sur un arbre, poursuivi par l'épouvante sous la figure d'un tigre, s'amuse à combattre le souci sous la figure d'une mouche bourdonnante autour de sa tête. Toute la journée, elle eut les yeux attachés sur Porporina, épiant tous ses pas et analysant toutes ses paroles avec anxiété. Notre héroïne, car c'en était une dans toute la force du terme en ce moment-là que la brave Consuelo, s'en aperçut bien, mais demeura fort éloignée d'attribuer cette inquiétude à un autre sentiment que le doute de la voir tenir ses promesses en ramenant Albert. Elle ne songeait point à cacher sa propre agitation, tant elle sentait, dans sa conscience tranquille et forte, qu'il y avait de quoi être fière de son projet plutôt que d'en rougir. Cette modeste confusion que lui avait causée, quelques jours auparavant, l'enthousiasme du jeune comte pour elle, s'était dissipée en face d'une volonté sérieuse et pure de toute vanité personnelle. Les amers sarcasmes d'Amélie, qui pressentait son entreprise sans en connaître les détails, ne l'émouvaient nullement. Elle les entendait à peine, y répondait par des sourires, et laissait à la chanoinesse, dont les oreilles s'ouvraient d'heure en heure, le soin de les enregistrer, de les commenter, et d'y trouver une lumière terrible. Fin du premier volume.